Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission Mosaïque du vendredi soir. Je vous propose une revue de presse, hein. Et puis ensuite, il y aura le programme et revue de presse. Ben voilà, c'est ça. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, je sonne l'alerte. L'hiver est là. Éric Coquerel, ce pays va exploser. Clément Viktorovitch, l'affaire Delevoye. Hein, vous rappelez de Delevoye? Vous l'aviez déjà oublié. Ouais. Et oui, pourtant, bon, il était ministre et puis il a démissionné parce qu'il avait je sais pas combien de casseroles. Hein, voilà. Ensuite, Clémentine Autain nous démasque un macroniste. Un macroniste, ça existe. Il y en a de moins en moins quand même des macronistes. Hein. Ben oui, ils se font prendre la main dans le sac l'un derrière l'autre. Et tout penaud, ben, tête basse, ils s'en vont. Eh oui. Ce matin, Gérard Miller. Alors, message aux grévistes. Gérard Miller adresse un message aux grévistes. Adrien Quatennens, lui, face à Jacques Bourdin. Ha ha! Adrien Quatennens face à Jacques Bourdin. Vous vous rendez compte un peu? Hein? On regarde pas la dépense quand même. Hein? On vous en offre des sujets intéressants. Guerre néocoloniale au Mali. Ben, c'est une histoire d'uranium. Pas de lutte contre Non. C'est une histoire d'uranium. Ben oui, on raconte des histoires. Hein? Voilà, la commune est en lutte, Jean-Roger Caussimon, ça c'est une chanson, hein. Et puis le média nous parlera de Lubrizol, millions et catastrophes. Voilà. Alors, la revue de presse. Eh bien, on peut commencer par exemple avec des choses un peu anciennes du 28 décembre. On pense qu'on sait que ça, finalement, 28 décembre 2019. Défense, missile, avec hypersonique. Moscou déploie son, entre guillemets, arme absolue. Alors, est-ce que l'arme absolue a été inventée? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que Poutine dispose actuellement de l'arme absolue? Et que compte-t-il en faire? À quelle occasion compte-t-il s'en servir? Hein, parce que c'est ça le problème. Les armes tellement destructrices dont on dispose, enfin dont les chefs d'État disposent actuellement, et qu'ils peuvent utiliser quand bon leur semble utile, eh bien voilà, c'est nous les cibles, hein. Ah oui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit le premier qui appuie sur le bouton ou que ce soit le deuxième qui appuie sur le bouton en réponse, eh bien voilà, c'est les populations qui seront de toute façon les victimes, c'est les populations qui votent pour élire ces gens-là, c'est les populations qui payent des impôts pour fabriquer les armes en question, et c'est les populations qui ensuite risquent de subir les dégâts, eh oui, les meurtres de masse, le génocide. Bon, ça serait peut-être bien pour la planète que l'humanité disparaisse, peut-être, hein, parce qu'on voit toutes les catastrophes dont on est responsable. Bon, mais bon, ça serait peut-être dommage quand même que l'humanité disparaisse, hein, peut-être, je sais pas. Alors, il y a par exemple une panique démographique. L'Union européenne en proie au vieillissement et à la pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, ça j'ai du mal de le croire, parce que rien qu'en France, on a 6 millions de chômeurs. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, hein, rappelez-vous. Eh oui, en Allemagne, en 1932. Et que s'est-il passé en 1932 aux élections? Et que s'est-il passé aux élections de 1933? Hein? Qu'ont-ils fait les Allemands? Poussés par le chômage et la misère? Eh ben, ils ont voté pour un certain Hitler. Vous connaissez la suite. Hein? C'est pas la peine de... Ben oui. Hein? 60 et quelques millions de morts. Peut-être 70 millions. Parce qu'on n'est pas... À 10 millions près, on n'est pas sûr. Hein? On n'est pas sûr. Ben non, il y a des millions de morts en Russie, les cultivateurs qui labourent leurs champs de temps en temps, ils sont obligés de creuser un trou plus profond pour enterrer plus profond que la charrue, le passage de la charrue, ben, ce qu'ils retrouvent dans les champs. Eh oui, panique démographique. Alors, il paraît qu'il y a une panique démographique. Moins de bébés et plus de vieux. Donc, moins de travailleurs et plus d'immigrés. C'est le cocktail détonnant de l'Europe. Et oui, et puis en plus, il y a les robots. les robots qui vont faire notre boulot, qui font de plus en plus le boulot à notre place. Et oui. Finalement, d'une certaine manière, c'est pas une mauvaise chose, hein, si les boulots font les travaux pénibles, répétitifs, à la place des humains, ben pourquoi pas? Ben à condition que on leur fasse payer des impôts, qu'on fasse payer des impôts aux propriétaires des robots, hein, et puis qu'on lui fasse payer aussi des cotisations qui serviront à alimenter les caisses maladie du personnel, les caisses de retraite, etc. Eh oui, si les robots nous remplacent, faut qu'ils nous remplacent pour tout. Eh oui, que les bénéfices de l'utilisation des robots ne tombent pas seulement dans la poche de quelques-uns. Hein, faut que tout le monde en profite, sinon c'est pas la peine. Alors, parce que oui, les robots, ils font souvent des boulots très pénibles. Rappelez-vous, la peinture des voitures, les soudures sur les carrosseries sur les chaînes de production de voitures, eh bien, c'était quand même particulièrement pénible, dangereux et néfaste. Alors, si c'est les robots qui font ça maintenant, eh ben, pourquoi pas. Mais, voilà. Il faut trouver des solutions pour résoudre le problème du chômage. Le problème du chômage. Eh oui, parce que les robots, on peut les arrêter quand on veut, comme on veut. On peut les laisser fonctionner 24 heures sur 24 tant qu'ils tombent pas en panne. Ils font jamais grève, ils sont jamais malades, etc. Mais les humains, eux, c'est pas pareil. Ils peuvent tomber malades et ils tombent souvent malades. Et puis ils ont besoin d'une retraite. Et puis besoin d'assurance maladie. Et puis besoin de se nourrir. Et puis besoin, etc., etc. Voilà. Alors, les nouveaux maîtres du monde, technologie, entre les réseaux sociaux et la globalisation du web. Au début, ils nous amusaient, puis ils nous ont étonnés. Maintenant, ils nous effraient, dit-on dans Vosges Matin du dimanche 29 décembre 2019. Comment, en 20 ans, les géants du numérique sont pratiquement devenus les maîtres du monde en inventant avec les plateformes les nouveaux modèles nouveau modèle économique global. Et oui, nouveau modèle économique global. Mais on avait déjà un modèle économique global hein, avant. Et oui, ça s'appelle le capitalisme. Bah, rappelez-vous, le plan Marshall, tout ce qui a précédé, tout ce qui a suivi. Bah oui, le capitalisme, c'est quelque chose de totalement international. Ben oui, c'est comme déjà prévu l'auteur de la chanson L'International. L'international sera le genre humain. Eh oui. 2 200 euros pour 24 heures de garde, santé, urgence à l'hôpital de Mulhouse. La rémunération offerte aux médecins intérimaires pour une garde de 24 heures aux urgences de l'hôpital de Mulhouse ce samedi 28 décembre atteint un nouveau sommet, 2 200 euros net, du jamais vu dans le service en crise depuis avril. Eh oui, c'est ça aussi, la crise. Ben oui, 2 200 euros pour une garde d'un week-end. Ah oui. Tiens, c'est le salaire de deux smicards pendant un mois. Argent, la place financière parisienne a connu sa plus forte hausse depuis 2007. Voilà. Ceux qui ont tenté l'aventure boursière en 2019 ont fait la culbute. L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a tutoyé des sommets jamais atteints depuis la crise de 2008. Et ce, même si l'économie patine, et la revendication sociale est forte. Voilà. Tout va mal pour les gens, pour les travailleurs, pour les consommateurs, pour les électeurs, pour les contribuables, etc. Mais ça va bien pour les gens qui investissent en bourse. Voilà. BlackRock, le symbole de la retraite par capitalisation. Je répète, BlackRock, le symbole de la retraite par capitalisation. Touloulout, touloulout, touloulout, ici, Londres, et les Français parlent aux Français. Tribunaux judiciaires, c'est parti. Les tribunaux d'instance et de grande instance fusionnent pour devenir des tribunaux judiciaires. Ah oui, donc les tribunaux d'instance, de petite instance et de grande instance, n'étaient pas des tribunaux judiciaires, ce n'étaient pas des tribunaux où l'on rendait la justice. Les tribunaux judiciaires, eux, ils vont enfin servir à rendre la justice. Hein? Bon, on avait peut-être un peu cru le contraire, mais bon, vous voyez, on n'y connaît pas grand-chose en fait, nous autres, les citoyens de base, les électeurs de base, les contribuables de base. Alors, social, après les vœux de Macron, rien de nouveau pour les syndicats. Ben voilà, le titre suffit, c'est même pas la peine de lire l'article, hein. Ben oui. Ensuite, une année 2019 centrée sur le centre hospitalier à Remiremont. Le combat de l'année, la grève aux urgences de l'hôpital de Remiremont a rythmé l'année. Le collectif Urgence en colère dans le coup. Ses revendications, la non-fermeture de lits médicaux, le passage à zéro hospitalisation sur des brancards et une revalorisation salariale. Encore en octobre dernier, ils étaient près de 300 manifestants à porter ce message dans les rues de Remiremont. Et il y avait même un petit farceur qui disait aux gens qui s'arrêtaient en voiture pour prendre des tracts qu'on leur tendait, qui disait « Eh bien, nous avons les noms de tous ceux qui participent à cette manifestation et lorsqu'ils se présenteront aux urgences de l'hôpital de Remiremont, eh bien, les manifestants, ils seront prioritaires. Les autres, ceux qui n'auront pas manifesté, eh bien, ils devront attendre leur tour. » Et il y en avait qui croyaient ça. C'était pas le 1er avril pourtant. Ouais. Encore que, bon, si je... sait-on jamais. Ce serait peut-être une idée à creuser. Hein? Qu'en pensez-vous? Population la plus faible progression de France. Oui, l'Est de la France progresse moins vite que le reste du territoire pour les naissances. Il y a moins de naissances dans l'Est de la France. Comment cela se fait-il, à votre avis? Ben oui, on a fermé les mines du charbon, les mines de fer, la sidérurgie, une bonne partie du textile, etc. On a fabriqué énormément de chômage. On a fabriqué beaucoup de chômeurs. Alors, les gens qui sont au chômage, ben, ils n'ont pas envie que leurs enfants et leurs petits-enfants soient au chômage. Alors, ils arrêtent de fabriquer des enfants. Et c'est très bien. Ça permet à l'État de fermer des maternités, et puis de fermer des écoles maternelles, et puis des écoles primaires, et puis des collèges, et puis etc. Et puis d'arrêter d'entretenir les routes, et arrêter de construire des hôpitaux, arrêter d'entretenir des hôpitaux, et etc. etc. Vous vous rendez compte des économies qu'on peut faire? Le jour où il n'y aura plus de population en France, eh bien les caisses de l'État seront complètement en équilibre. Il y aura zéro rentrée, il y aura zéro sortie, zéro égale zéro, et ce sera l'équilibre. Alors, bah oui, l'équilibre des naissances et des décès. À Remiremont, il y a eu, depuis la dernière fois, il y a eu 3 décès. Alors, une personne de Charmes, une personne d'Archette et une personne de Grange-au-Monzé. Et puis, les naissances, il y a eu plus de naissances que de décès, mais ça ne concerne pas vraiment la ville de Remiremont, parce que il y a eu une naissance de Ferdru, un enfant dont les parents habitaient Ferdru, Saint-Nabord, Ventron, à Remiremont. Il y a eu une naissance à la maternité de Remiremont d'un bébé dont les parents étaient habités à Remiremont. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et une autre, Le Tillot, Plombières-les-Bains et puis Sapois. Voilà. Donc une seule naissance dont les parents habitent à Remiremont. Voilà, ben vous voyez, ben c'est normal, Remiremont c'est une des villes où il y a le plus de chômeurs, hein, quand même. Ah oui, ben vous n'avez qu'à voir, vous passez un petit peu dans les rues, puis vous regardez le nombre d'affiches qui sont mises sur les vitrines des magasins, fermeture définitive, liquidation totale, etc. Ben, pourquoi est-ce que les commerçants ferment? Ben parce qu'il y a du chômage. Et les gens qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, donc ils n'achètent pas. Hein? Eh oui, et voilà. Alors, encore des choses terribles, ça, c'est un terrible incendie chez un concessionnaire automobile à Chavelot. Eh oui, ben oui, là aussi, que voulez-vous? Hein? Le malheur frappe, ben oui, le chômage, les incendies, le froid, etc., etc. Voilà. Alors, aussi, qu'est-ce qu'il y a à Chavelot, il y a aussi... à Golbey, cette fois, là, c'était à Chavelot, là, tout à l'heure. Golbey, il y a aussi un magasin de matériel agricole qui a brûlé. Eh oui. Voilà. Ensuite, 643 kilos de cannabis saisis sur l'A7. Un ancien arrêté. Alors, à propos du commerce de drogue... Eh bien, on peut remarquer une chose, c'est qu'il y a 30 ans, lorsque les douaniers faisaient une prise de 60 grammes de cannabis, de hashish, sur un trafiquant, c'était une grosse prise, 60 grammes. Maintenant, le cannabis, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, etc., ça se vend maintenant par tonne. C'est plus 60 grammes, c'est des tonnes. Alors, est-ce que les policiers sont particulièrement, les douaniers sont particulièrement devenus malhabiles, eux qui arrivent à détecter, à attraper 60 grammes il y a quelques années. Maintenant, les tonnes, ils n'arrivent plus à les attraper. Il y en a un l'autre fois qui disait à la télé que dans les différents ports où arrivent les conteneurs venant du monde entier, et il arrive des conteneurs qui viennent notamment d'Amérique du Sud, avec de la drogue dedans, et il peut y avoir une tonne de drogue dans un conteneur, alors caché, mélangé parmi des meubles, parmi des marchandises quelconques. Hein. Mais comme il y a des milliers de conteneurs qui arrivent à longueur d'année dans les ports, les douaniers, ils ont beau faire, ils peuvent pas les ouvrir tous, ils peuvent pas les fouiller tous, et ils savent très bien qu'il y a un certain pourcentage de conteneurs qui contiennent des marchandises interdites. Et oui, et ils ne peuvent rien. Voilà. De temps en temps, ils ont un coup de chance. De temps en temps, ils ont un petit coup de flair de plus. Et ils chopent un conteneur qui contient des choses qu'ils ne devaient pas contenir. Mais de temps en temps seulement. Voilà. Alors nos gouvernements, ils devraient peut-être prendre des mesures pour qu'il y ait un contrôle strict. Conteneur par conteneur. Et puis qu'on importe un peu moins de marchandises de l'étranger. Au moins de chômage chez nous. Hein? Ah oui, et puis ça ferait moins de pollution parce que un bateau qui fonctionne au fuel lourd, particulièrement riche en soufre et en peut-être en phosphore aussi, je ne sais pas quoi, ça fait une pollution particulièrement atroce. Eh bien oui, bon, enfin bref, voilà, tout va bien quoi, tout va bien pour ces gens-là. Des effets bénéfiques indéniables sur la santé, c'est un mois sans alcool. Eh ben oui, très bonne idée ça. Une Légion d'honneur épinglée. La Légion d'honneur décernée à Jean-François Cirelli, PDG de BlackRock. BlackRock, qu'est-ce que ça veut dire en français, BlackRock? C'est du patois. Du patois de La Brèze, de Gérardmer, de Remiremont, je sais pas. Gestionnaire d'actifs donne des arguments à l'opposition qui dénonce une réforme des retraites favorisant les fonds de capitalisation. C'est une Légion d'honneur qui aurait pu passer inaperçue et qui finalement suscite aujourd'hui une polémique dont le gouvernement se serait sans doute passé. Jean-François Cirelli a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur dans la promotion du Nouvel An sur contingent du Premier ministre. Voilà. Alors vous voyez, la Légion d'honneur, les BlackRock, c'est-à-dire les capitaux internationaux apatrides, etc., Et puis le chômage, et puis les retraites, tout ça, c'est une seule et unique chose. Alors, encore, tiens, petites annonces. Eh bien, il y a des rencontres, des cartes, des ventes de chats et de chiens, des demandes d'emploi. Il y a une demande d'emploi, mais il n'y a aucune offre d'emploi. Honte à nos élus. Honte à nos élus. Eh oui. Honte. Honte. Honte à eux. Rappelez-vous, Allemagne 1932. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, t'en souviens-tu, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas, maintenant là, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, fait beau comme jamais. Quel temps, sans mémoire. On ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. C'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. Monsieur le ministre, voici l'hiver, il fait froid et la nuit tombe plus tôt. Je veux me faire le porte-parole de détresse muette et souvent cachée. Des gens ont faim, des gens vivent dans la rue et 2000 d'entre eux y meurent chaque année. Cet hiver, pour ceux qui sont logés, 7 Français sur 10 vont retarder le plus possible le moment où ils vont allumer le chauffage pour la raison qu'ils craignent de ne pouvoir le payer. Je sonne l'alerte devant vous. Sur les 6 premiers mois de l'année, les coupures d'électricité ont augmenté de 18%, celles du gaz de 10%. En 2018, il y avait eu 572 000 coupures sur toute l'année. En 2019, ce chiffre a été atteint dès le mois de septembre. Comment des centaines de milliers de familles vont-elles vivre sans électricité ou sans gaz? Pour moi, ce recul social a commencé quand on a commencé à privatiser les compagnies qui fournissaient ces biens. En 2004, les marchés ont été ouverts à la concurrence, soi-disant pour faire baisser les prix. Puis nous avons vendu l'entreprise publique GDF à la multinationale Suez. Voici le résultat. Les tarifs ont augmenté de 50%, tant pour le gaz que pour l'électricité. L'accès à l'énergie n'est plus considéré comme un droit universel, mais juste comme une marchandise. D'ailleurs, vous-même, monsieur le ministre, il y a un instant, venez de parler des usagers privés d'électricité comme de clients. Non, jusque-là, nous étions des usagers. Pour un actionnaire, un retard de paiement sur des factures n'est pas un problème humain, mais une question comptable. Nous pensons, nous, l'inverse. Il reste l'urgence. L'hiver est là. Il reste les prix du gaz qui ont augmenté en novembre, de nouveau, et ceux de l'électricité vont augmenter de nouveau en janvier. Nous vous demandons de geler les tarifs réglementés, de les bloquer pour l'année 2020, car si vous ne le faites pas, s'ajoutera de la misère à la misère. Et le résultat, ce ne sera pas seulement le discrédit politique, mais surtout la souffrance qui sera répandue de ce fait. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mélenchon. Le gel des tarifs réglementés n'apporte pas une réponse adaptée pour lutter contre la précarité énergétique. D'une part, parce que tous les consommateurs ne sont pas concernés par les tarifs réglementés. Ils ont en effet la liberté de choisir entre les tarifs réglementés et les offres de marché qui peuvent apporter des réponses adaptées aux besoins des consommateurs. Un comparateur d'offres indépendant est proposé par le médiateur national de l'énergie pour aider le consommateur à choisir l'offre la mieux adaptée à ses critères et à ses besoins. D'autre part, parce que la loi prévoit que les tarifs doivent refléter la réalité des coûts supportés par les fournisseurs. Geler les tarifs arbitrairement conduirait inévitablement à une condamnation par le juge et l'obligation de refacturer ultérieurement le différentiel aux consommateurs. Cela est déjà arrivé. La précarité énergétique est en revanche un sujet essentiel contre lequel le gouvernement lutte par différents canaux. La trêve hivernale, vous l'avez rappelé, pendant laquelle toute coupure d'électricité et de gaz est interdite par la loi. l'élargissement et la revalorisation du chèque énergie en 2019, qui aide désormais 5,7 millions de ménages modestes à payer leurs factures d'énergie du logement. Ce sont près de 850 millions d'euros qui sont chaque année consacrés à cette aide. Le déploiement de dispositifs pour aider les ménages à s'inscrire dans la transition énergétique et à vivre dans des logements moins énergivores. C'est l'aide du crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, qui sera transformé cette année en prime pour les ménages aux revenus modestes à compter du 1er janvier. Les certificats d'économie d'énergie qui permettent aux ménages modestes de bénéficier d'une prime exceptionnelle pour financer certains travaux d'économie d'énergie. Les aides financières de l'ANA, que vous connaissez. L'éco-prêt à taux zéro simplifié prolongé jusqu'en 2021. Ou encore la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique. Voilà, monsieur le député, les éléments que je souhaitais soumettre à votre appréciation. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président Mélenchon. Donc, monsieur le ministre, c'est la loi sur la concurrence qui a, sous prétexte de multiplier les fournitures, fait augmenter les tarifs qui empêchent dorénavant qu'on vous demande de bloquer les tarifs réglementés et qu'on ait pour réponse que de dire aux gens qui ont froid et qui sont dans le noir, allez voir le médiateur pour avoir le meilleur prix. Monsieur le ministre, vous avez bien voulu rappeler que les coûts subis, les coûts réels devaient être transmis dans les prix, avez-vous dit, et si cela n'est pas fait, alors le juge pourrait condamner le fournisseur qui ne le ferait pas. Mais vous ne répondez pas, à mon avis, à la question essentielle. Dans ces coûts, monsieur, il n'y a pas que les matières premières, il y a aussi les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Et ceci est du pur parasitage, parce qu'on n'avait pas besoin de ce capital privé auparavant pour faire fonctionner ces réseaux. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis pour que l'on fournisse les premiers mètres cubes et les premiers kilowatts gratuitement, ainsi que les premiers mètres cubes de gaz, gratuitement aux personnes qui sont des utilisateurs. Car tous ces réseaux ont été payés par la collectivité, par les impôts de ceux qui nous ont précédés, et cela donne des droits à ceux qui maintenant y ont accès. Tous les brumels, les dandys, les gandins, ils les considéraient avec dédain, faisant peu de cas de l'élégance, ils s'habillaient toujours, décrochez-moi ça. Au combat pour s'en faire une liquette, sous un déluge d'obus de roquettes, il conquit un oriflamme teuton, cet acte lui valut le grand cordon. Mais il perdit le privilège de s'aller vêtir à la 6-4-2, car ça la fout mal, ça perd l'hypopète, d'avoir des faux plis, des trous assez bas, de mettre un ruban sur la salopette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. L'âme du bon feu maître Jean Cotta se réincarnait chez ce vieux fêtard. Tenter de l'empêcher de boire un pot, c'était ni plus ni moins risquer sa peau. Un soir d'intempérance à son insu, il éteignit en pissotant dessus. Un simple commencement d'incendie, on lui flanqua le mérite par dire. Depuis que n'est plus vierge son revers, il s'interdit de marcher de travers, car ça la fout mal d'aller dans les vignes dites du Seigneur, faire les faux pas quand on est marqué du fatal insigne. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. Grand peloteur de fesses convaincu, passé mettre en l'art de la main au cul, son dada c'est que la famule, bas de son dos tout parsemé de bleu. En vue de la palper d'un geste obscène, il a plongé pour sauver de la scène une donzelle en train de se noyer d'un mot si sec qu'on vous l'a médaillé. Ce petit hochet à la boutonnière vous le condamna de bonne manière, car ça la fout mal avec la rosette de tarte efflatée, des filles les appâts, la louche au valseur, pas de salisette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. Un brave auteur de chansons malotru avait une tendance à parler cru. Bordel de Dieu, compute, etc. Ornait ses moindres traderies des rats. S'amuse un soir d'un derrière distrait. On dit, elle ne le fit pas exprès. Une rengaine sans gros mots dedans. On vaut le chamar à tambour battant. Et maintenant qu'il porte cette croix, proféré merde, il n'en a plus le droit, car ça la fout mal de mettre à ses lèvres de grand commandeur des termes trop bas. Chanter le grand vicaire et les trois orfèvres, la Légion d'honneur, ça pardonne pas. Ça fait plus d'un an maintenant que le pays est en ébullition sociale, que vous tentez de remettre le couvercle vainement sur la cocotte minute qui ne cesse de se développer. Aujourd'hui, je sais comment vous allez essayer de le faire. Je parle là de la réforme des retraites. Vous allez peut-être enlever cet âge pivot avant 1975 en espérant que cela divise le mouvement social et en espérant surtout que les Français ne voient pas qu'en réalité, toute la réforme de retraite à points signifie un recul de l'âge de la retraite et une baisse des pensions. Vous allez sûrement aussi continuer à essayer de diviser les Français en jetant aux pâtures des conducteurs de la SNCF et de la RATP, et alors même que vous choisissez les retraites spéciales que vous défendez. Les régimes spéciaux que vous défendez, ce sont, et je ne suis pas contre, celles des policiers, tant votre régime ne tient plus souvent que grâce à eux, mais c'est aussi des régimes spéciaux dont on ne parle pas. Celui, par exemple, des capitalisations, à laquelle vous avez accordé maintes exonérations lors de la loi Pacte. Celui des retraites chapeaux, on n'en parle pas dans ce projet de retraite. Et pour cause, parce qu'en réalité, derrière ce choix, c'est tout le moteur de votre politique qu'il faudrait dénoncer. Dans ce pays, depuis 30 ans, ce pays ne souffre pas de trop de cadeaux accordés aux salariés, aux travailleurs, mais souffre du fait que les actionnaires, la rente capitaliste, pèsent de plus en plus lourd. Il y a 30 ans, un salarié travaillait 9 jours pour les actionnaires. Aujourd'hui, il travaille 45 jours. Et au fond, ces avantages aux plus riches que vous continuez à développer, au prétexte que cela permettrait de rejaillir sur toute l'économie, ce dont on voit que ce n'est pas le cas, c'est le fond de la politique que vous défendez et qui développe inévitablement des inégalités. Oh, je ne sais que je n'arriverai pas à vous convaincre. Je n'arriverai pas à convaincre le monde social que vous défendez, celui qui prévaut et qui pense qu'il faut au gouvernement nommer des DRH pour régler les conflits sociaux. Ce monde qui, l'an dernier, a entraîné 400 000 Français de plus sous le seuil de pauvreté, pendant que vous avez distribué 400 millions d'euros de plus aux 60 000 les plus riches. Tout est là. Pour donner aux plus riches, vous avez besoin de prendre à l'ensemble de la société, et notamment de manière inique aux 10% les plus pauvres. Pour compenser les exonérations, je ne parle que celles des 20 milliards du CICE dont nous savons qu'elles ne créent pas un emploi, vous attaquez les retraites, vous attaquez les chômeurs dont l'an prochain, avec la réforme que vous avez votée, que vous appliquez, vous allez entraîner dans la pauvreté plus d'un million d'entre eux, faute d'indemnité. Vous attaquez les APL, vous attaquez l'AME pour les plus défavorisés. Ce PLF va continuer à le faire, puisque l'impôt que vous baissez, c'est l'impôt redistributif par excellence, puisque vous supprimez la taxe d'habitation pour les plus riches, parce que vous ne touchez pas encore au cadeau que depuis 3 ans vous faites aux plus riches à travers l'ISF, la taxe, impôt sur les sociétés, 30 milliards de coûts. Et comme vous bornez ces baisses des recettes par des baisses des dépenses publiques avec des objectifs comptables dont on ne comprend même plus la raison, eh bien évidemment, c'est toutes les baisses des dépenses publiques que vous attaquez avec des ministères aussi essentiels que la santé, le travail, les finances, etc. Au fond, cette politique que vous mettez en place, qui casse de plus en plus l'État social, tel qu'il a été construit après la libération, tel qu'il a été renforcé par des grandes luttes sociales, je pense notamment à 68, tout ce qui a pu déboucher dans les années 80, au fond, cette politique, vous affaiblissez ainsi tous les mécanismes d'égalité et de solidarité dans le pays. Vous mettez le pays en tension. Vous le mettez au profit de toujours les mêmes, d'une politique inégale. Et je vous le dis à l'avance, vous pourrez mettre toutes les cocottes minutes que vous voulez, ça finira par exploser dans ce pays. De la manière dont vous n'arriverez même plus à la contrôler, tellement vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il faut arrêter de maltraiter les Français. Je citerai, pour terminer, un spécialiste de ce monde, qu'il fait parfois même mine de critiquer, alors que on s'aperçoit qu'il le promeut au gouvernement, votre ministre de tutelle, Monsieur Darmanin, qui disait « Un capitalisme qui conduit à l'accroissement des inégalités et à l'épuisement des ressources de la planète ne mène nulle part ». Chers collègues de la majorité, votre politique ne mène nulle part, ou plutôt au malheur de la plupart des Français. Nous vous appelons évidemment à rejeter ce PLF. Merci. Depuis

l'association de la Chartreuse de Neuville. Vous n'avez pas oublié de le déclarer. Mais quand cet homme siège au conseil d'administration d'une assurance privée, s'il vous plaît, vous trouvez ça normal? Vous trouvez cela normal? Eh bien, il y a là un conflit d'intérêts. Bon, alors là, ce qu'on voit, c'est l'esclandre traditionnel, le verbe haut traditionnel lors des séances de questions au gouvernement. Mais derrière, on a un véritable argument. C'est ce qu'en rhétorique, on appelle un argument ad hominem. L'argument ad hominem, il consiste à mettre l'interlocuteur, l'adversaire, en contradiction avec ses propres propos. On soulève une contradiction, une incohérence dans l'argumentation de l'adversaire. L'argumentation ad rem, on attaque l'argument. Ad personam, on attaque la personne. Et là, on est un peu entre les deux. Donc, ce que nous dit, au fond, la France insoumise, c'est, monsieur Delevoye, vous nous dites depuis le début, défendre un régime de retraite par répartition. Or, vous avez des liens avec le monde de l'assurance qui a tout intérêt à un régime par capitalisation. C'est donc que vous devez avoir un agenda caché, un projet caché. Pour le gouvernement et Jean-Paul Delevoye, c'est une attaque dangereuse. Comment s'en défend-il? Eh bien, voyons cela. Que les choses soient claires, tout mon parcours prouve mon souci de transparence et de respect des lois. La preuve, c'est que, par rapport aux déclarations, je me suis toujours entouré d'avis juridiques pour être en règle. Et à ce jour, compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela. Alors, il est au clair, que les choses d'ailleurs soient claires, il nous dit « Tout mon parcours prouve mon souci de transparence et de respect des lois ». Ça, en rhétorique, c'est intéressant, ça porte un nom, on appelle ça une pétition de principe. La pétition de principe, c'est une logique plus ou moins fallacieuse qui consiste à utiliser comme un élément de son argumentation ce que l'on cherche à démontrer. Il y a un exemple assez connu dans un dialogue de Platon qui s'appelle l'Hippias majeur. Dans ce dialogue, c'est un dialogue qui est centré sur l'idée de beauté. Et Socrate, qui est un peu malicieux, demande à Hippias, « Dis-moi Hippias, qu'est-ce que le beau ?» Et Hippias intelligemment répond, « C'est très simple Socrate, le beau, c'est une belle jeune fille. » Tout le monde voit bien pourquoi ça marche assez mal, mais là c'est exactement ce que nous fait Jean-Paul Delevoye. On lui demande « Comment sait-on que vous êtes, monsieur Delevoye, respectueux de la transparence et des lois ?» Il répond « Mais c'est très simple, parce que tout mon parcours prouve que je suis respectueux de la transparence et des lois. » Alors même que, précisément, on a la preuve qu'il vient de faire une déclaration incomplète à la Haute Autorité de Transparence, ce qui n'est ni transparent, ni conforme à la loi. Bref, Jean-Paul Delevoye est-il convaincant dans sa réponse ? Pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est normal, il a été pris la main dans le sac sur un sujet hautement sensible. Il le dit d'ailleurs lui-même. J'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela. C'est donc bien la preuve qu'auparavant, il n'était pas tant au clair que cela. Cela dit, sur le fond, ce midi, Édouard Philippe a enfin présenté les grandes orientations de la réforme. On en a parlé tout à l'heure. Chacun va désormais pouvoir juger sur pièce et non plus sur M. Delevoye des intentions réelles du gouvernement. Merci Clément. Même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre ville tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous. Même si si vous croyez maintenant tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Vous en avez affaire, vous, des gens qui demain vont être obligés, qui sont maçons, qui sont caissières, non, monsieur Dussopt, les gens qui sont caissières, qui sont maçons, qui sont institutrices ou instituteurs et qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous en avez affaire. Vous prenez le rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme indépendant. Lorsqu'il dit comment, à ses yeux, il est possible de rééquilibrer un système, il évoque la hausse du taux de cotisation, nous n'en voulons pas. Il évoque la baisse des pensions, nous n'en voulons pas. Il évoque un changement de l'âge légal de départ à la retraite, nous n'en voulons pas. Il y a une conséquence, c'est de travailler un peu plus longtemps, à condition de tenir compte de la pénibilité. Mais s'il y a d'autres trajectoires, s'il y a d'autres possibilités, nous y sommes ouverts. Et ça laisse peut-être pas beaucoup de possibilités, alors. C'est aussi à regarder. Et j'ajoute que, mais c'est peut-être pas l'objet du débat ce soir, que nous créons des emplois, nous faisons en sorte de réduire le chômage et qu'il y a moins de chômage, moins de déficit. Je suis très en colère du mot universalité qui est utilisé, d'ailleurs comme le mot justice qui a été utilisé, réduction des inégalités, qui est dans la bouche du Premier ministre et de Marlène Schiappa, et j'y reviendrai sur la question des femmes. Ça me met hors de moi, j'ai l'impression que c'est Orwell, la guerre c'est la paix, etc. Il faut se rendre à l'évidence, ce que vous proposez, c'est un allongement de la durée du travail et c'est une baisse des pensions. Et je voudrais vous interroger sur un point, parce que vous disiez il y a de la conscience. Moi, je m'adresse à vous personnellement. Vous en souvenez peut-être. Vous étiez en 2010 dans l'hémicycle, vous étiez député et vous avez interrogé François Fillon, qui à l'époque voulait faire une réforme. Alors, vous étiez sur les bancs du Parti socialiste à l'époque. Et je dis vos mots parce que quelque part, j'ai envie de vous les renvoyer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous lui disiez à ce ministre, à ce Premier ministre, la main sur le cœur, vous vous êtes engagé à ne pas passer en force. Malheureusement, la vérité est ailleurs. Et vous taxer le gouvernement, et à raison, de lui dire à ce moment-là, ce que vous voulez, c'est le passage de la retraite de 60 à 62 ans. Et vous utilisez cette phrase. C'est doublement injuste. Doublement injuste parce que cette réforme écarte la recherche d'autres ressources. D'autres ressources, et c'est vous qui le dites, notamment celles issues du capital. Et vous dénoncez le fait que cette augmentation de l'âge du départ va faire peser l'effort sur ceux qui aujourd'hui galèrent, c'est-à-dire les plus jeunes, qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui en plus vont avoir en perspective une retraite de misère. Et vous dites ce mot-là, et je le partage, la double peine. Eh bien moi, je suis d'accord avec cette question d'actualité que vous aviez alors posée au gouvernement. Et qu'est-ce qui fait que subitement, maintenant que vous êtes passé du côté de la Macronie, ces arguments qui sont des arguments, là pour le coup, de justice, ne sont plus dans votre bouche et que vous avez attrapé la novlangue de la Macronie. Je vais vous répondre. Et contrairement à la réforme de François Fillon, nous améliorons les dispositifs de prise en charge de la pénibilité. Nous faisons en sorte de créer un minimum contributif à 1 000 euros pour que les Françaises et les Français qui ont cotisé, contribué honnêtement toute leur vie, avec parfois des petits salaires, aient un minimum de retraite à 1 000 euros, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc vous comparez deux réformes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, strictement rien à voir. Là, donc là, c'est le point. Premièrement, la confiance dans ce gouvernement pour mener une politique et une réforme des retraites qui soit juste et qui garantisse l'égalité est à peu près nulle, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ça fait 2 ans et demi maintenant que vous êtes au pouvoir et que vous avez su trouver des milliards pour, par exemple, réformer l'ISF, faire la flat tax, les APL. Supprimer pour les plus jeunes. Non, la votre politique, je pense, est très bien comprise. Et d'ailleurs, le président des riches qui circule très fortement porte particulièrement bien son nom. Vous avez une politique qui est au service des plus riches. Donc déjà, il y a une défiance. Dans la caricature, vous savez. Non, c'est pas une caricature, c'est une réalité de la politique que vous menez, monsieur. C'est une réalité. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, c'est que l'électorat que vous séduisez de plus en plus, c'est un électorat évidemment de droite. Bon, c'est clair. Vous faites des affirmations sans fondement. Et vous êtes uniquement dans la caricature et la volonté de dénaturer. Non, je suis dans définition de ce qu'est votre politique, monsieur Dussopt. Vous savez le sentiment que j'ai quand je vous écoute. Vous, ne personnalisons pas. Mais les autres orateurs de la France insoumise, j'ai une conviction, c'est que finalement, les retraites, vous n'en avez pas grand-chose à faire. Ce qui vous intéresse, c'est de vous refaire la cerise politiquement sur un sujet de société, c'est tout. C'est consternant ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est le sentiment que j'ai. Je suis persuadé que vous n'en avez pas grand-chose à faire et que vous en faites un sujet uniquement politique. Monsieur Dussopt, vous en avez à faire, vous, des gens qui demain je vont être obligés, qui sont maçons, qui sont caissières, non monsieur Dussopt, les gens qui sont caissières, qui sont maçons, qui sont institutrices, soit instituteurs, et qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous en avez affaire. Et je vous regarde dans les yeux et je vous dis que vous mentez, puisque nous avons dit hier, et le Premier ministre a dit hier, que nous maintenons les carrières longues, que nous maintenons la pénibilité, et par ailleurs, et vous comprenez qu'ils ne vous croient pas parce qu'ils ont raison de ne pas vous croire. Aujourd'hui, quand elles cotisent moins de 150 heures par trimestre, elles ne le valident pas, et nous allons leur permettre de valider les points. Je vais expliquer très concrètement l'histoire du point et de l'universalité, qui est la plus grande arnaque en termes de vocabulaire que j'ai entendu dans la Macronie. L'universalité supposerait que parce que 1 égale 1, c'est-à-dire chacun va pouvoir cotiser un point, donc on a l'impression que c'est l'égalité. En réalité, c'est l'inégalité. Et je vous prends l'exemple des femmes, qui me met très en colère, mais qui est symptomatique de plein d'autres carrières. Quand vous avez une carrière qui est une carrière hachée, d'accord ? Qu'elle est hachée parce que vous êtes en temps partiel, comme le sont... Et les femmes sont plus exposées que les hommes. Oui, je vous remercie. Que vous gagnez 27% de moins que les hommes. C'est la situation des femmes, d'accord ? Eh bien, avec votre système par points, et de ne plus prendre des meilleures années de la carrière, mais l'ensemble de la carrière, au final, vous allez y perdre. Et ça, les Français l'ont très bien compris. Donc, ne me dites pas à nous, qui sommes dans la rue, qui défendons les retraites des gens, et en particulier de ceux qui galèrent, de ceux qui vont payer le prix fort, pendant que vous êtes au service d'une politique qui ravit le MEDEF et qui ravit les plus riches et le patronat. Non, mais sans rien. Vous retombez dans la caricature. Non, c'est pas une caricature, c'est la réalité, monsieur. Et je pense que de temps en temps, il serait bien que vous redescendiez sur terre, sur la terre ferme, qui est la terre de la réalité. Regardez vos 1000 euros. Regardez vos 1000 euros. Alors voilà, Clémentine, prenons cet autre exemple pour redescendre sur la terre ferme. Prenons on a cotisé toute sa vie avec une carrière complète, voilà la promesse du gouvernement, c'est ces 1000 euros. Dont je vous signale que la loi, il y a une loi qui existe et qui n'est pas mise en œuvre, qui date de 2013, qui devait être mise en application en 2018 et qui ne l'est toujours pas. Donc en réalité, c'est une fausse annonce. En prime de tout, c'est 1000 euros. On va respecter. C'est une fausse annonce. La provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crévines, les Jesuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Je n'en peux plus, je n'en peux plus du tombereau de critiques et à l'occasion d'injures qu'on déverse sur les grévistes. Est-ce qu'on ne sait pas, dans ce pays, que c'est grâce à des hommes comme celui que nous avons en face de nous, que nous bénéficions en France d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre d'acquis. Notre fête nationale, nous ne la célébrons pas le jour de la naissance de Louis XVI, le jour du sacre de l'empereur Napoléon ou le jour de la création du MEDEF. Nous célébrons notre fête nationale un jour de révolution. Eh bien, si vous ne voyez le jour de la fête de la fédération, c'est faux. Le jour, en tout cas, que nous célébrons est lié à une révolution. La Révolution française. Et si vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre les sans-culottes héroïques et des têtes dures comme les militants de la CGT, comme les militants de Sudrail ou comme les Gilets jaunes, si vous ne voyez pas le lien entre les deux, je suis désolé. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, on ne comprend pas que l'histoire de France a été faite par des sans-culottes, a été faite par des communards, a été faite par des résistants, a été faite par des grévistes, eh bien moi, qui suis effectivement psychanalyste, réalisateur, professeur à l'université, qui a une vie confortable, mais qui n'imagine pas vivre heureux dans un océan de malheur, eh bien moi je vais vous dire, je n'ai qu'une chose à communiquer à notre invité et à travers lui à tous les grévistes, je n'ai qu'une chose à dire, merci. Est-ce que c'est clair ? Bon ben écoutez, votre message est clair en tout cas, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être entendable par un certain nombre de Français qui galèrent au quotidien, un certain nombre de Français qui perdent énormément d'argent parce qu'ils sont obligés de fermer leur commerce, parce que les clients ne viennent plus, des femmes de ménage par exemple qui ne peuvent plus aller travailler chez leurs employeurs parce qu'elles sont bloquées dans les trains? Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens-là qui existent malgré tout? Mais qui existent et qui sont à l'occasion sur ce plateau. Je leur répondrai d'abord ce qu'on ne dit pas assez souvent sur peut-être les médias, c'est que les grévistes eux-mêmes souffrent. Ils souffrent avant de faire la grève et ils souffrent pendant la grève. Mais ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi, subi par le gouvernement certes, mais ils l'ont choisi. C'est ça qui fait d'ailleurs, permettez-moi de le dire, si c'est un mot qui ne vous gêne pas, c'est ça qui fait leur héroïsme. Ils l'ont choisi, ils souffrent, faire une grève, il faut savoir ce que c'est perdre. Et ceux effectivement, qui n'ont pas choisi alors? Je vais répondre à cette question, je tiens d'abord à dire effectivement que dans l'océan des malheurs ou des souffrances, il y a aussi celle des grévistes, il y a des moments de joie dans les grèves heureusement, et il y a des moments de souffrance. Et je répondrai effectivement, ce qui circule un peu partout, c'est que quelques jours de galère, si pénible soit-il, et évidemment que c'est extraordinairement pénible, c'est peut-être à mettre en comparaison avec des années de misère. Et c'est donc, pas des galères, c'est aussi des emplois qui sont menacés. Mais bien entendu, mais... La c'est pas simplement des jours de galère pour aller bosser. Vous avez c'est des emplois, c'est des entreprises qui vont fermer. D'abord, c'est des emplois qui vont faire des chômeurs. Eh ben, je sais bien. Mais lorsqu'il y a une grève. C'est un sacrifice qu'il faut accepter. Non, c'est pas une question de sacrifice. Lorsqu'il y a une grève, il faut savoir où sont les responsabilités. Pour moi, je regrette qu'il y ait eu cette grève. Je le regrette parce qu'elle était peut-être évitable si le gouvernement n'avait pas fait cette réforme. Donc pour vous, tout est de la faute du gouvernement. Mais. Clairement. Écoutez, soyons sérieux. Mais bien sûr, soyons sérieux. Le gouvernement a malgré tout été élu. Emmanuel Macron a été élu sur un programme. La retraite à points était dans le programme. Christophe, soyons sérieux. Au moment où le débat, et après je me tairai, le débat commence, il y a 45% de gens qui sont apparemment favorables à cette réforme. Ou qui sont contre, plutôt. 45% oui, a priori, il y a une légère contre. Majorité qui est favorable à la réforme dans les sondages. Il y a toujours une légère majorité de Français qui sont favorables à la réforme. Je vais reprendre les chiffres, parce que je me suis moi-même embrouillé. Au début du débat sur les réformes, il y avait 45% des gens qui semblaient soutenir la grève ou être contre la réforme. C'est passé très vite à 65%, 68%, 64%. Alors, L'immense majorité, c'est un Christophe. Peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui disent soutenir et comprendre, en tout cas, la colère et le mouvement. Mais malgré tout, il y a toujours une majorité de Français qui sont favorables à cette réforme. Et à la suppression des régimes spéciaux. Non, Christophe, non, soyons sérieux. Moi-même qui soutiens à 100% la grève, je suis à 100% favorable à une réforme. Donc si on me demandait de vous pour une réforme, je répondrais oui. Mais il y a même des choses plus précises. Il y a une majorité de Français qui sont contre pour la suppression des régimes spéciaux. Attends, est-ce que vous... Une chose très claire. C'est quand même formidable. J'ai fait assez d'émissions ici pour dire, et quand même j'espère que vous en êtes témoin, que tout au long de cette grève, peut-être que ça va changer ces jours-ci avec l'histoire des enfants ou que sais-je, l'immense majorité des Français étaient favorables à cette grève. Ne me racontez pas. Oui, parce que la plupart ne sont pas touchés. Il y a aussi cette donnée-là qu'il faut expliquer. Donc, ils sont... Sauf que tout le monde est touché par cette réforme qui va venir. Mais Gérard Miller, les plus touchés sont souvent les plus pauvres. Rappelons que dans les grandes villes, exactement, ceux qui habitent le plus loin sont ceux qui sont les moins bien payés. Ceux qui sont en grande banlieue, effectivement, sont ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville. Et c'est pas quelques jours de galère, c'est du salaire qu'ils ne vont pas avoir, c'est de l'argent qu'ils ne vont pas avoir, c'est des emplois qu'ils vont perdre. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y en a certains qui sont obligés de dormir sur leur lieu de travail. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Une grève, c'est effectivement des sacrifices pour les salariés, comme pour toute une série de gens. Vous avez tout à des sacrifices subis, des sacrifices choisis. Est-ce que vous n'êtes pas sensible au fait que c'est le gouvernement qui a choisi ce planning? Il veut effectivement faire voter ça en janvier-février, donc il savait parfaitement que la grève allait arriver au mois de décembre. Vous voulez dire que c'était calculé? Pour vous, c'était calculé pour que ça tombe à Noël, pour que ça. Non, mais je vous pose la question. Mais c'est pas une évidence. Mais puisqu'on sait très bien que le calendrier il a été en partie retardé, notamment par les gilets jaunes, parce que cette réforme aurait dû intervenir un peu plus tôt dans le quinquennat, mais qu'à cause des gilets jaunes, ça n'a pas pu. Je peux terminer. Ça n'a pas pu commencer avant l'été les discussions et que le projet de loi était prévu pour le début de l'année. Point barre. On va laisser parler Julien Trocaz, qui avait des choses à dire. Juste un exemple. Enfin, je pense vraiment que vous êtes un peu déconnecté de la réalité, mais je dis pas ça. Vous n'êtes pas dans les mêmes réalités, en tout cas. Au moins la réalité de la rue, des piquets de grève, mais même des contacts avec des salariés précaires. Moi, je voudrais juste une anecdote. Lundi, on a des collègues de Paris Est qui sont dans une entreprise privée avec des dames, emploi précaire, qui lavent, qui travaillent dans une blanchisserie. Donc on est allé leur parler et la galère, elles expliquaient, elles se lèvent à 6h, mais elles doivent se lever 2h avant pour aller faire le travail. Donc on leur a expliqué que la réforme des retraites, évidemment, touchait les plus précaires. Vous savez les réponses qu'on a eues? C'est ok, elles n'ont pas fait grève, elles peuvent pas. Elles finissaient à 13h, sauf que mardi, elles étaient place de la République, sans à défiler avec nous mardi après-midi à 14h. C'est ça la réponse qu'on a. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie. Je chante avec toi, liberté. ministre Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Député du Nord, la France insoumise, numéro 2 de la France insoumise, Adrien Quatennens, des quotas d'immigration économique et Muriel Pénicaud annoncé hier matin ici même, à votre place, seront donc instaurés dès l'été prochain. Objectif chiffré pour une immigration professionnelle, un peu comme au Canada ou en Australie. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Non, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'immigration, les mouvements de population soient traités à travers uniquement la calculatrice et le tableur Excel, c'est-à-dire des quotas. Je crois d'ailleurs que la question des quotas n'est adaptée ni s'il s'agit de limiter les flux migratoires, ni s'il s'agit de rajouter aux causes des mouvements de population, à savoir les conflits, le changement climatique, les accords commerciaux inégaux, le fait de quoi d'aller finalement vider certains pays de leurs talents. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ce pays que souvent, il y a toute une partie de la classe politique qui est assez disponible quand il s'agit de stigmatiser l'immigration, mais là finalement, il y aurait une bonne immigration, une mauvaise immigration. Moi, je pense que ça n'est pas sérieux du tout. Je crois que sur la question des secteurs qu'on a des difficultés à embaucher, évidemment qu'il faut aussi travailler sur l'aspect formation, faire en sorte, parce qu'il y a aussi un chômage de masse dans ce pays, que les Françaises et les Français qui aspirent à s'insérer dans l'emploi puissent trouver finalement des formations adaptées aux secteurs qu'on a besoin d'embaucher. Mais non, le principe de quota... Je comprends pas pourquoi vous êtes opposé. Parce que est-ce que les quotas ne permettraient pas de répondre à celles et ceux qui affirment que la France est envahie, par exemple? Non, est-ce que c'est pas une bonne réponse? Non, justement, qui peut croire, s'agissant des flux de population, s'agissant des mouvements de population à travers le monde, qu'on va régler les choses à travers des quotas. Ah, mais non, mais c'est d'ailleurs évident, personne ne le dit. Mais là, personne ne le dit, Adrien Quatennens. Oui, mais alors attendez. Je vous pose une autre question. Ça montre aussi que l'immigration, c'est une chance pour la France. Mais ça, du moins cette immigration-là, en complément. Ça, c'est une évidence. À partir du moment où les choses sont bien organisées, aujourd'hui, il faut dire une chose, Jean-Jacques Bourdin, les mouvements de population à travers le monde, ça représente quelques 70 millions de personnes qui se déplacent. D'ailleurs, on a souvent parlé beaucoup des mouvements de population sud-nord, mais vous savez que l'essentiel des mouvements migratoires sont des mouvements sud-sud. D'abord, il faut regarder, finalement, comment on organise notre devoir d'humanité qui est de... On est d'accord. Pas organisé aujourd'hui. Oui. Y compris d'ailleurs dans les mesures qu'il y aurait à prendre immédiatement s'agissant de la question migratoire, il y aurait le fait d'en finir avec les règles absolument absurdes de Dublin qui font que quand géographiquement vous êtes le premier pays d'entrée, vous avez organisé seul les conditions de l'accueil. Au niveau européen, Jacques Bourdin, l'accueil n'est pas organisé. Compte tenu de ce que pèse, quand on regarde dans la population européenne, les mouvements de population qui arrivent jusque dans l'Union européenne, c'est une goutte d'eau. Bien. Donc quand on parle effectivement de vagues migratoires, on se trompe. Bon. Mais là, de la même manière, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on va vider certains pays de leurs talents. Moi, je suis pour qu'on crée les conditions que les gens puissent travailler. Quand des Français vont travailler au Canada, oui. Vous le regrettez ? Mais non, pas du tout, je dis. Bah alors. Mais évidemment qu'il y a ça. Mais là, en l'occurrence, ce serait l'idée de dire... Est-ce qu'il ne vaut pas mieux réglementer, justement, l'immigration professionnelle, économique ? Plutôt que d'être dans une forme d'anarchie où le chef d'entreprise qui cherche quelqu'un pour travailler Je vais vous répondre sur l'emploi. D'abord sur l'immigration, je l'ai dit, créer les conditions à l'échelle européenne d'un accueil digne. Ensuite, traiter aussi les causes des mouvements de population. Parce qu'il est faux de croire, comme parfois on pourrait le laisser entendre au niveau de ce gouvernement, que finalement les gens se déplaceraient de gaieté de cœur. L'immigration, c'est d'abord et avant tout, faut le dire, Jacques Bourdin, une souffrance. Bon, vous le d'accord, savez. D'accord, mais on là je vous parle pas, de l'immigration économique. Oui, mais l'immigration économique, Jacques Bourdin, pour ceux qui s'en vont de leur pays, c'est aussi à cause d'accords commerciaux inégaux, c'est aussi à cause du fait que parfois nos pays ont des responsabilités dans l'incapacité des autres si à se développer. Mais si nous avons besoin de main d'œuvre, si nous ne la trouvons pas en France, Jacques Bourdin, ne pas la faire venir d'un autre pays? Mais ça se passe. Créons les conditions pour faire en sorte que les gens qui arrivent dans notre pays ait accès à des formations professionnelles et accès à l'emploi. Pas avec des quotas. Il y a déjà des gens qui arrivent. Avec des objectifs, Il y a déjà des gens qui arrivent et dont il faut créer les conditions qu'ils puissent avoir accès à la formation et à l'emploi. Vous savez pourquoi vous êtes opposé aux quotas? C'est une raison quoi? C'est une raison idéologique? Non, c'est simplement le fait que moi je vous dis très clairement que je ne crois pas au fait que l'on traite la question des mouvements de population et des flux migratoires à travers des quotas. Exactement le même discours. Jacques Bourdin, soyons sérieux un peu. Bah, pardon. Madame Le Pen, attendez, stop, arrêtons ensemble. Madame Le Pen vous dit qu'on a un devoir d'humanité et qu'on doit organiser l'accueil digne des personnes qui se déplacent. Elle vous dit ça, Madame Le Pen? Madame Le Pen, elle parle des responsabilités de nos pays dans les causes des migrations. Madame Le Pen vous parle du fait que d'ici à quelques années, quand on parle de quotas, regardez l'absurdité du fait de parler de quotas. Jean-Jacques Bourdin, si on parle rien que du changement climatique, on sait que 2 degrés de changement climatique, 2 degrés de hausse de la température, et on a déjà largement dépassé cette trajectoire, vous le savez, ça va être 290 millions de personnes qui vont être poussées à quitter leur pays. Vous allez traiter ça aussi avec des quotas? Mais non. Ça n'est pas sérieux. Mais bien sûr, mais le quota, mais le c'est sujet, pas la solution. Eh ben, le sujet de l'immigration n'est pas traité de manière rationnelle aujourd'hui. Donc je vous dis, et je termine là-dessus, ce que j'en pense. On va passer au Il faut créer les conditions d'un accueil digne. Et quand je dis accueil digne, ça veut aussi donc dire un accès à la formation professionnelle et à l'emploi, notamment pour pallier effectivement aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Pour autant, je considère aussi qu'il faut voir nos responsabilités dans les causes, et je ne suis pas d'accord pour qu'en plus du changement climatique, pour qu'en plus des conflits, pour qu'en plus des accords commerciaux inégaux, nous rajoutions le fait que nous allions vider certains pays de leurs talents. Voilà ce que je veux dire. Je pense que par ailleurs, nous avons énormément à faire sur le front de l'emploi en France certains aujourd'hui. Certains pays se videront malheureusement à cause des, notamment du climat. À cause du changement climatique. Donc peut-être que la manière la plus rationnelle de traiter aussi cette question des mouvements de population, quand on regarde les proportions de déplacement, non, il n'y a pas aujourd'hui de vagues et de submersion migratoire comme c'est parfois dit. Par contre, c'est clair que si on ne traite pas la question du changement climatique, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pas choisir de quitter leur pays, qui ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Et ça, évidemment, on n'en parle jamais. L'accès à la PUMa, la protection universelle maladie, qui a remplacé la CMU en 2016, sera un peu plus difficile pour les demandeurs d'asile, puisqu'il y aura un délai de carence de 3 mois. Alors, pour l'AME aussi, d'ailleurs. Oui, l'AME, c'est autre chose. Non, mais il y aura aussi des délais de carence. Oui, c'est autre chose. Mais là, je voudrais qu'on parle de la PUMa, parce que ça concerne encore plus de monde que l'AME. La PUMa, toute personne la PUMa, travaillant... La PUMa, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est la couverture santé c'est la minimale. CMU. C'est la CMU. C'est même moins que la CMU, pour tout dire. Alors, c'est toute personne travaillant ou résidant de façon régulière en France bénéficie de la PUMa. C'est une sécu de base pour un coût nul ou minime. Pour en bénéficier, il faut être en France depuis au moins 3 mois. On est bien d'accord. C'est ce qui va se passer du coup avec maintenant le délai de carence. C'est déjà ce qui se passe. Oui, mais là, le délai de carence, on va aussi l'approfondir, notamment s'agissant pour les demandeurs d'asile. Moi, je vous dis une chose. D'abord, puisqu'on parlait à l'instant du devoir d'humanité, moi, je vous le dis, et toutes les personnes qui travaillent sur la question des réfugiés le disent, il y a un fantasme autour de l'idée qu'il y aurait un tourisme sanitaire, ça existe. Un tourisme médical. Est-ce qu'il y a des fraudes ou pas? Vous avez regardé un peu ce que pèsent les fraudes dans le budget de l'AME? C'est 0, je sais pas combien, c'est ridicule. Et d'ailleurs, l'AME tout court, d'ailleurs, dans le budget de la santé, ça représente 0,4%. 904 millions d'euros fin 2018. Alors, vous dites 904 millions d'euros, mais il faut dire aux téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent que c'est 0,4% du budget global de la santé. Avec une augmentation de 1,5% par an depuis 5 ans. Jacques Bourdin, une fois qu'on a dit non, ça... On va donner les chiffres. Vous êtes d'accord pour dire que ça pèse pas très lourd dans le budget de la santé. Je mais surtout, pas d'accord ou pas, c'est vrai que ça pèse peu dans le budget de la sécurité sociale. Parce que ça aussi, là-dessus, ça a été beaucoup utilisé, notamment par l'extrême droite, souvent pour dire voilà, il y a des dépenses absolument incroyables. Alors d'abord, il y a deux choses. Dans le devoir d'humanité, si vous avez quelqu'un qui a besoin de soins, et même si on considère parfois qu'il y a des soins qui sont, j'ai entendu Madame Buzyn dire ça, pas des soins urgents, souvent, quand vous ne vous soignez pas de manière régulière, des soins qui ne sont pas urgents aujourd'hui peuvent le devenir demain. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a un délai de carence de 3 mois, à la fois du point de vue du traitement digne des personnes qui arrivent, mais aussi, Jean-Jacques Bourdin, du point de vue de la santé publique. Parce que pendant 3 mois, si quelqu'un qui arrive sur le territoire, qui ne peut pas se soigner, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que les microbes et les maladies demandent leurs papiers aux gens pour savoir s'ils peuvent se transmettre de l'un à l'autre? Donc il y a aussi un enjeu de santé publique. C'est-à-dire qu'on prend un risque en disant que pendant 3 mois, des gens qui arriveraient sur le territoire et peut-être qui auraient besoin de soins n'y auraient pas accès. Et je veux redire que compte tenu des proportions, les spécialistes du sujet peuvent vous le dire, de ce que ça pèse, je veux dire, non seulement dans le budget de la santé c'est pas grand-chose, mais la fraude à l'AME c'est une petite goutte d'eau dans un budget qui est déjà ridicule. Par contre, si vous voulez qu'on parle de fraude, attendez Jacques Bourdin, si vous voulez qu'on parle de fraude qui pèse sur les caisses de la santé dans ce pays, on pourrait parler de la fraude sociale patronale, qui elle est énorme et dont on ne se donne pas les moyens finalement d'y donc mettre les patrons sont des fraudeurs. Non, je vous ai pas dit ça. Ah bon, Bourdin. Vous me faites, faites parfois des raccourcis. Non, mais je vous pose. Il n'y aurait pas un petit Roland populiste chez vous? Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux. J'aime pas trop. Non, mais, Roland populiste, moi non plus, j'aime pas trop. Parce que le populisme, il est plus partagé par la classe politique que par la classe journalistique. C'est difficilement supportable. Non, mais c'est difficilement supportable. Vous voyez, comme moi, vous dites la même chose que Madame Le Pen, où tous les patrons sont des fraudeurs. Finalement, ils ressortent. Non, mais je dis ça pour provocation. Et bien, moi aussi. C'est une petite provocation. Bon, alors, justement. Parlons de l'emploi, peut-être. Vous avez dit qu'on en parlerait. Mais c'est moi qui décide, pardonnez-moi, Adrien. Oui, mais la dernière fois que je suis venu ici, Jean-Jacques Bourdin, on m'a dit qu'on parlerait notamment de l'emploi, mais il y a une actualité aussi. Allons-y. Qui est une actualité du 10 décembre, du 10 novembre, dimanche prochain. Vous allez défiler contre l'islamophobie ou pas? Moi, pour des raisons personnelles, je serai tenu à distance, mais il est vrai que le groupe La France Insoumise a signé un appel à la mobilisation pour le 10. Alors moi, j'ai vu que... Pourquoi vous n'irez pas? Parce que je suis retenu pour des raisons personnelles. Voilà. Vous y seriez allé sinon? Certains de mes amis iront. Vous y seriez allé ou pas? Sûrement. Mais avec. Pour défendre quoi? Pour défendre quelque chose de clair. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu cette petite polémique autour du texte qui a été signé. C'est certes, sur ce texte n'est pas une panacée, mais dire une chose. Plus oui, que. Surtout qu'il parle. Attendez, il parle de loi liberticide. J'y viens, je vais vous dire. Oui. Si la France insoumise avait eu à rédiger le texte, et d'ailleurs moi la leçon que j'en tire c'est qu'à l'avenir il faudra que nous fassions notre propre texte dans ce genre de situation, il est clair que le texte n'aurait pas été le même. Si je considère le détail dans ce texte, quand on parle de loi liberticide, je ne sais pas de quoi on parle, je dis, puisque pour moi ni la loi de 1905 s'agissant de la laïcité, ni la loi de 2004 concernant les signes religieux à l'école, ni même celle de 2010 sur le fait de ne pas pouvoir être entièrement le visage couvert dans la rue ne me paraissent liberticides. De la même manière, ça a déjà été dit, la France insoumise en tant que formation politique, on l'a déjà écrit, on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a répété, n'utilise pas le terme d'islamophobie, ni pour dire la haine contre les personnes de confession musulmane, ni pour revendiquer un droit à la critique des religions. Nous estimons que ce terme n'est pas adapté. Bien que Jean-Jacques Bourdin, on pourrait s'accorder sur le fait que si vous et moi, aujourd'hui, on va dehors et qu'on demande à n'importe quel Français de nous définir ce qu'est l'islamophobie, c'est entendu pour beaucoup, quoi qu'on en pense, vous et moi, et quel que soit le niveau du débat sémantique, que ça représente la haine contre les personnes de confession musulmane. Donc dire une chose, plus que le texte en l'occurrence, ce qui a compté, c'est le contexte. La République et les fondamentaux républicains, universalistes et laïques de la France insoumise, Jean-Jacques Bourdin, je pense, vous nous connaissez assez pour le savoir, ne peuvent pas être mis en doute. Donc ce qui a compté plus que le texte, c'est le contexte. La République ne peut pas laisser passer l'humiliation qui s'est produite au Conseil régional lorsque Monsieur Odoul, l'élu du Front National, du Rassemblement National, a littéralement humilié une personne qui accompagnait les enfants. Et la République ne peut pas, ne doit pas. Il est question de la concorde nationale, de l'unité du peuple français et de l'indivisibilité de la République ne peut pas supporter les événements de Bayonne. Donc les faits, quels sont-ils, Jean-Jacques Bourdin? Oui ou non, dans notre pays, y a-t-il une stigmatisation des personnes de confession musulmane? Je crois qu'il est raisonnable de dire que c'est le cas et que ça n'est pas acceptable. Et que je ne suis des pas personnes. Du... Je ne suis... Et oui, non pas de la bien religion. Sûr, c'est bien ce que j'ai dit. Et non pas de la religion. Personnes de confession musulmane. Jean-Jacques Bourdin. Et non pas de l'islam. Évidemment, je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas dupe du fait... Attendez. Je ne suis pas dupe du fait que certains... Parce que Charlie est islamophobe. Attendez. Est-ce que Charlie est islamophobe? Mais je ne suis pas d'accord pour utiliser ce terme, je vous ai dit, y compris pour et dire... Vous allez défiler. Mais Charlie a une tradition... Vous allez défiler contre l'islamophobie. Non, attendez. Charlie a une tradition anticléricale. Il y a une ambiguïté, vous le savez bien. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vous ai dit les choses. Jean-Jacques Bourdin, il y a dans ce pays une stigmatisation des personnes de confession musulmane. Moi, je ne suis pas dupe, Jean-Jacques Bourdin, du fait que certains utilisent la laïcité et la dévoie pour stigmatiser en particulier les personnes de confession musulmane. Et je ne suis pas dupe du fait non plus, je vous le dis, que certains utilisent le terme d'islamophobie, une minorité, en considérant que finalement ça va demain annihiler toute capacité à critiquer les religions. Et je suis assez sûr des fondamentaux de la France insoumise pour ne pas faire de la signature de ce texte un enjeu. Je vais terminer. Il y a quand même des prédicateurs qui vont défiler et qui défileront à côté des membres de la France insoumise qui prêchent l'infériorité de la femme. Alors, vous le savez bien. Je vais vous dire une chose, Jacques Bourdin. Je vais vous dire une chose. Quand ce texte a été signé, nous, on vous a dit que c'était la LDH qui en était à l'initiative. Et vous avez vu que les signataires, y compris sur le champ politique, ça ne se résume pas à la France Insoumise. Non. Il y a Monsieur Martinez de la CGT. D'accord. Il y a Monsieur André Chassaigne, président du groupe du Parti communiste français à l'Assemblée nationale. Monsieur Cormand, Monsieur Jadot. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est clair qu'après, cet appel a circulé parfois un peu drôlement. Et que, je vais vous dire très franchement, dans la liste des gens qui sont signataires, il y a des gens avec qui je ne partage pas la plupart des valeurs. C'est clair. clair. Pour autant, Jean-Jacques Bourdin, vous dire une chose. Moi, je suis assez sûr de nos convictions et de du message qu'il faut porter, de concorde, d'unité, qui est donc un message républicain. Oui, mais vous signez un texte avec Bourdin. Des hommes non. qui ne partagent non. pas vos valeurs. Jean-Jacques Bourdin. Pardon. Jean-Jacques Bourdin. Pardon. Est-ce que j'ai fait une conférence de presse avec les frères musulmans et autres? Quand j'ai signé ce texte, je n'ai pas vu qui était l'ensemble des signataires. Mais Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire une autre chose. Pour pas non plus surévaluer l'enjeu de ce texte, dire une chose. Quand récemment il s'est agi de soutenir les Kurdes, qui ont été fortement réprimés. Je vais vous dire, la France insoumise, elle a signé des textes avec des gens qui sont nos adversaires politiques, parfois très très très à droite, d'accord ? Et ça ne nous a pas posé problème. Il y a quelques temps de cela, Jean-Jacques Bourdin, lorsqu'il s'est agi de manifester pour dénoncer ce qui s'était passé avec Madame Mireille Knoll, vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr. Nous avons manifesté et signé des textes dans lesquels il y avait des gens du CRIF avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, ou de la LDJ qui, en plus, nous ont craché dessus et nous ont pris à partie dans la manifestation. Donc moi, je voudrais qu'on arrête de surévaluer la chose, parce que alors, je veux parlons, dire, c'est pas la première chose. Fois, mais alors c'est, parlons d'autre chose. C'est pas parlons, la première fois. L'enjeu essentiel, c'est-à-dire ce que porte la France insoumise dans Jacques Bourdin, c'est un message vraiment d'unité. Voilà, on ne peut pas. Moi, je refuse que le choc des civilisations s'importe dans notre pays. Et je suis assez convaincu des fondamentaux de la France insoumise pour ne pas craindre du fait que soit surévaluée la signature de ce texte, qui effectivement se retrouve signé a posteriori et sans que nous ayons été au courant au départ avec des gens dont nous ne partageons pas les valeurs. Ça ne retire rien au fait que, sans même utiliser le terme d'islamophobie, eh bien, il fallait poser un acte fort. Mais la prochaine fois, je vous le dis. On écrira nos propres textes. Au moins, bien. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Le 5 décembre, forte mobilisation sociale annoncée. Nous verrons bien si elle existe ou pas. Adrien Quatennens, vous irez manifester, vous associer à ce mouvement. Évidemment, du 5 décembre. Évidemment, j'y vois sans doute le moment qui peut être celui de convergence, de mobilisation, qui jusqu'à présent sont extrêmement sectorielles en quelque sorte. J'ai vu ce week-end que les Gilets jaunes, eux aussi, appel à joindre le mouvement social le 5 décembre. J'espère que ce sera le moment où le pays va relever la tête. Parce que Jean-Jacques Bourdin, moi, je vais vous dire ce qui me désespère le plus dans le moment, c'est cette espèce de chape de plomb d'un pays qui est déconfit, on a l'impression, qui est triste face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Moi, je veux apporter un message d'enthousiasme. La France et son peuple ont des capacités, ont des atouts. Notre modèle, c'est la République issue de la Grande Révolution de 1789, c'est le Conseil National de la Résistance, ce sont des atouts forts du modèle social français. Nous avons des défis à relever qui sont considérables. Pensons par exemple, on parlait à l'instant du changement climatique, et nous avons des capacités incroyables. J'ai envie de vous dire, Jacques Bourdin, on peut se lever le matin pour faire autre chose que cette bouillie libérale qui nous emmène dans le mur. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, vous avez fait circuler des sondages sur cette antenne qui disent que à peu près 62% des Français considèrent que l'élection d'Emmanuel Macron est une mauvaise chose, que 68% d'entre eux considèrent qu'il ne sera pas capable d'améliorer les choses d'ici la fin de son quinquennat, c'est mon avis. Pour la raison qu'il est dans une espèce d'aveuglement idéologique qui ne produit aucun résultat signifiant pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. En 2 ans et demi, ce qui s'est passé en matière notamment de politique budgétaire, c'est que les 0,1% les plus riches ont gagné 23 000 euros de plus par an pendant que notre pays connaissait un taux record de pauvreté. L'activité... Mais un taux de chômage qui baisse. Alors, parlons-en justement. Hier, vous avez reçu ici Madame la ministre Pénicaud. Oui. Moi, vous savez, vous me trouverez toujours à applaudir des deux mains lorsque le chômage baissera, peu importe qui réussit à le faire et quel que soit l'étiquetage politique. Maintenant, derrière les statistiques, il y a une réalité sociale, Jean-Jacques Bourdin. Oui, aujourd'hui, on le voit, les statistiques du chômage baissent. Mais quelle est la réalité sociale derrière ? La réalité sociale, c'est que le chômage tue. 14 000 personnes meurent du chômage par an dans ce pays. Et on a l'impression, notamment s'agissant de la réforme de l'assurance chômage, que, eh bien, on pourrait durcir les conditions d'accès à l'indemnisation. Des tas de gens vont voir leur indemnité diminuer, ou en tout cas avoir moins accès à l'indemnité. Ça va être une véritable catastrophe. Comme si, finalement, il serait facile de trouver un emploi. Alors, Madame Pénicaud nous dit, on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais quel type de contrat? On n'a jamais autant signé de contrats, mais des contrats extrêmement courts. Jean-Jacques Bourdin. Donc vous êtes favorable au bonus-malus? Je veux qu'on aille plus loin. Puisqu'on parlait de quotas tout à l'heure, moi je suis favorable à des quotas modulables selon la taille de l'entreprise. C'est ce que nous avons proposé avec la France Insoumise, qui referait du CDI véritablement la règle. Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, le CDI est la règle de droit commun. Or, 87% des contrats qui sont signés sont des contrats courts. 30% de ces contrats sont des contrats de moins d'un mois et une proportion significative d'entre eux sont des contrats de moins d'un jour. Vous imaginez un peu la vie qu'on propose aux Français quand le travail est à ce point précarisé? Vous croyez qu'on peut faire des projets dans la vie, qu'on peut se projeter en termes d'investissement pour soi et ses proches quand on a du travail précaire? Donc, quelques solutions sur le front de l'emploi. D'abord, se doter véritablement de moyens pour lutter contre les contrats courts. Ensuite, je le dis, pour moi, le partage du temps de travail est à mettre à l'ordre du jour. Si on produit plus aujourd'hui que dans les années précédentes, notamment compte tenu des bons de productivité, on doit interroger la question du temps de travail. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin? Voilà, j'interroge. Et ensuite, je vous ai parlé des grands projets. Faut voir ample, faut une ligne d'horizon pour ce pays. Il faut proposer aux gens de se lever le matin pour faire autre chose que la concurrence entre les uns et les autres. Vous avez des gens qui étaient encore très enthousiastes il y a quelques temps à ce modèle, qui mettent en cause et qui interrogent le sens de ce qu'ils font. Moi, je propose, avec la France Insoumise, nous proposons un horizon positif. Si on se dit la France ouvre la voie d'une bifurcation, par exemple s'agissant de la transition écologique, faut investir dans l'économie de la mer, faut investir dans les grands plans de transition énergétique, faut changer le modèle agricole qui pourrit la terre et qui met en difficulté nos agriculteurs. Il y a des tas de choses intelligentes à faire, créatrices d'activités. La France pourrait ouvrir la voie de cette bifurcation salutaire, au lieu de quoi on mange du Emmanuel Macron, on va regarder nos chaussures pendant encore longtemps comme ça. Non, il faut maintenant avoir un modèle qui propulse, qui réenthousiasme ce pays. Il y a une élection présidentielle, c'est pas demain, c'est en 2022. Mais vous avez vu déjà... Vous voyez un candidat... Non, attendez. De qualité. Vous avez vu... Dites-moi, si Jean-Luc Mélenchon n'y allait pas, par hasard, on sait jamais ce qui peut se passer. Adrien Quatennens. Eh bien, si Jean-Luc Mélenchon décidait de pas y aller, il y a beaucoup de personnes à la France Insoumise qui pourraient y aller. Mais vous seriez candidat, je vous dis mon souhait. Moi, mon souhait, c'est que Jean-Luc Mélenchon y retourne. Ça lui appartient, mais c'est mon souhait. Bon. Je considère que compte tenu ce qu'il y a à faire, l'incarnation d'un État fort qui met en protection sociale les Français, 8h55, qui planifie, je termine, qui Adrien planifie Quatennens. Au niveau écologique. Vous avez vu le dernier sondage sur la présidentielle 2022. Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le troisième homme. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui mais en tout cas, les autres sont très loin derrière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il apparaît comme potentiellement le candidat qui pourrait mettre fin à ce face-à-face délétère entre Macron et Le Pen. Jean-Luc Mélenchon parle d'annexion de l'Est de l'Allemagne. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Écoutez, vous êtes obligé de constater que derrière... Qui a fait tomber le mur? Jacques Bourdin, calmons-nous. Vous êtes obligé de constater... Obligé de constater aujourd'hui que derrière le récit tout à fait angélique d'un retour de la démocratie, etc., vous devez bien voir que l'Allemagne... C'était quand même un retour de la démocratie. Oui, mais en échange de liberté politique, on a en quelque sorte, d'un point de vue économique, effectivement annexé l'Allemagne de l'Est. Obligé de voir que... Plus mal en Allemagne de l'Est aujourd'hui que... Écoutez, à l'époque communiste. Ça mérite d'être interrogé pour la raison que... Attendez, pour la raison, quand vous voyez les scores de l'extrême droite, de l'AFD... Qui dit la même chose que vous, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il parle d'annexion la population, de la même manière. Mais la population n'est pas si enthousiaste que ça au modèle qui lui a été imposé. Je ne dis pas que le modèle avant était parfait, mais en tout cas, l'économie a été changée. Et en échange des libertés politiques, c'est vrai, et d'une forme de démocratie, on a quand même imposé à coup de force un modèle économique dont on voit bien partout dans le monde, d'ailleurs aujourd'hui, les limites. Donc on peut avoir, disons, quelques réserves sur le scénario le plus angélique qui nous est souvent vendu. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci. Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé. L'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croasser leur stupide chant? Ils voudraient encore, les brigands, salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et les teignoirs, sous la calotte et les teignoirs. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes.

Car comment ce pays stable, calme, plutôt démocratique, où les touristes venaient admirer l'habitat des peuples Dogon ou la splendide ville de Tombouctou, eh bien, comment ce pays a-t-il pu si brutalement se couper en deux et entrer si soudainement dans la guerre ? Alors, pour comprendre ce qui a conduit à la fragilité de cet État, nous allons donc regarder plusieurs cartes de ce pays. Le Mali est en Afrique de l'Ouest. Son territoire fait 1 240 000 km². Il est traversé par le Sahel, cette bande de savane plus ou moins humide qui sépare le Sahara aride au nord de la forêt humide au sud. Il n'a aucun accès à la mer et il a pour voisins l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud et le Sénégal et la Mauritanie à l'ouest. Ce pays, dont la capitale est Bamako, et qui a été longtemps une colonie française, est devenu indépendant en 1960. Vous voyez cette frontière quasi rectiligne dont 1400 km séparent le Mali et l'Algérie. Eh bien, elle a été définie après la conférence de Berlin, au terme de plusieurs accords entre le ministère des colonies, qui administrait l'Afrique occidentale française, et le ministère de l'Intérieur, représentant les départements français d'Algérie. Son tracé définitif a été établi en 1905. Et les autres frontières du pays correspondent aux anciennes limites internes de l'Afrique occidentale française. Eh bien, ces tracés frontaliers ont donné au Mali une enveloppe territoriale, en fait immense, qui englobe deux espaces géographiques, en fait très différents. Le sud est traversé par la vallée du fleuve Niger et abrite une partie de son delta intérieur. On est là en zone de climat soudanien avec des zones agricoles excédentaires. À l'inverse, le nord est une région aride, traversée par le Sahel et le Sahara, avec des zones agricoles déficitaires. La majorité de la population de cette région, qui vit le long du fleuve Niger, pratique l'agriculture et l'élevage. Les principales villes sont Gao et Tombouctou, sur le fleuve Niger, et Kidal, au pied de l'Adrar des Iforas, ce massif montagneux situé au nord-est du pays. On y trouve peu d'infrastructures de transport, mais c'est un espace d'échange via les anciennes pistes caravanières qui ont transporté sel, or, esclaves dès le Moyen-Âge. Dans ce pays, qui est en fait deux fois grand comme la France, vivent seulement 16 millions d'habitants dans deux ensembles qui sont comme dissociés. D'une part, le sud Mali, qui couvre un tiers du territoire où vit 91% de la population malienne, et d'autre part, le nord Mali, composé des trois régions de Tombouctou, Gao, Kidal, où vit seulement 9% de la population et qui couvre les deux tiers restants du pays. Eh bien, justement, qui vit au Mali ? On retrouve sensiblement cette division nord-sud sur la carte des groupes ethniques. Au sud, il y a les peuples subsahariens, parmi lesquels on peut citer les Bambara, qui sont les plus nombreux, les Minyanka, mais aussi les Peuls, les Malinké ou les Dogons. Et au nord, il y a les peuples arabo-berbères, c'est-à-dire les Arabes et les Touaregs. 95% des Maliens sont musulmans, 2,4% sont chrétiens et 2% sont animistes. Bien, maintenant changeons d'échelle pour évoquer plus précisément les peuples Touaregs qui représentent 10% de la population du Mali. Vous voyez ici la zone de répartition traditionnelle des Touaregs, un peuple nomade, berbérophone, qui vit à cheval sur quatre hauts états du Sahel, l'Algérie, la Libye, le Niger et le Burkina Faso. Et il refuse que son territoire de nomadisation soit divisé ou intégré à des pays dans lesquels il ne se reconnaît pas. Donc, au Mali, depuis l'indépendance du pays en 1960, les Touaregs s'opposent à l'incorporation de leur territoire dans le territoire malien. Ils ont mené plusieurs rébellions, notamment en 1963, en 1991, pour obtenir de Bamako des mesures de décentralisation et des aides économiques, et aujourd'hui ils se sentent marginalisés par le pouvoir central. Car le Nord Mali se situe en marge du développement économique du pays. Le PIB cumulé des trois régions du Nord représente à peine 2% du PIB national. Et pourtant, leur sous-sol abrite un important potentiel pétrolier. Vous voyez sur la carte les quatre bassins qui ont été identifiés. On trouve aussi des réserves d'uranium dans l'Adrar des Iforas et la région de Gao, et de l'or dans les Iforas. Rappelons que le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc si je résume, on a deux ensembles climatiques, humains, très différenciés, avec des disparités économiques majeures. Le Nord Mali, en fait, est comme non intégré au reste du territoire national. Eh bien, ces quelques éléments peuvent expliquer comment le pays a pu se scinder si soudainement en deux parties. Revenons sur la chronologie des faits. Le 22 mars 2012, le président Amadou Toumani Touré est chassé du pouvoir par un coup d'État de l'armée à Bamako. Le 6 avril 2012, le nord du pays fait sécession, déclare se nommer désormais Azawad, que l'on voit ici sur la carte. Un groupe armé de Touareg, le MNLA, c'est-à-dire Mouvement National de Libération de l'Azawad, est à l'origine de cette scission. Mais il est rapidement dépassé sur le terrain par un groupuscule armé salafiste, Ansar Din. Ce sont ses partisans qui, à Tombouctou, détruisent tombeaux et mausolées, considérés comme saints par les musulmans de la région. La majorité des partisans d'Ansar Din, comme ceux du MNLA, sont des Touaregs issus de la tribu des Iforas, du même nom que le massif situé au nord de Kidal. Une partie de ces Touaregs, auparavant adeptes d'un islam rigoriste mais non violent, nommés Tablighs, sont donc passés au djihad armé. Comment explique-t-on un tel basculement? Pour des raisons de croyances religieuses, mais aussi des facteurs sociaux, économiques, institutionnels, face à un État faible, lointain, incapable de répondre aux attentes du Nord Mali. Et puis il y a aussi les facteurs externes. Changeons d'échelle à nouveau. Cette carte nous montre la zone de présence approximative d'ACMI, ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le Sahel et au-delà. Le bastion de l'organisation se situe dans la Drar des Iforas, ce qui lui permet de se protéger, de profiter de la vallée du Tilemsi, qui est un axe essentiel entre le fleuve Niger et l'Algérie. ACMI est impliqué dans des trafics de migrants, d'armes, de drogue, de tabac qui traversent la région. Deuxième facteur, la chute du régime de Kadhafi en 2011. Des milliers de combattants Touareg enrôlés dans l'armée libyenne sont rentrés au Mali avec armes et munitions, offrant ainsi des moyens d'action au mouvement du Nord Mali. Le 5 janvier 2013, Ansar Din et ses alliés djihadistes, ACMI et le Mujaho, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, lancent à leur tour une offensive vers le sud du pays. Les rebelles prennent Kona et la communauté internationale craint alors que ces groupuscules armés s'avancent jusqu'à Bamako. Alors le 11 janvier 2013, Paris décide d'envoyer l'armée française en réponse à la demande de Bamako. Baptisée Serval, cette opération est aidée par l'armée malienne qui est sous-équipée et par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui conduit la MISMA, c'est-à-dire la Mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine. Grâce à des offensives aériennes et terrestres, Serval permet certes une réduction du potentiel des djihadistes, mais la victoire reste limitée et le pays ne parvient pas à se stabiliser. Le 1er juillet 2013, la MISMA est remplacée par la MINUSMA, une mission de l'ONU qui compte 9300 casques bleus. Et le 1er août 2014, l'opération Barkhane succède à l'opération Serval. Elle s'effectue en partenariat avec 5 États de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Elle rassemble 3000 militaires et vise à lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. Car il faut bien voir que ACMI et les autres mouvements présents dans le Nord Mali constituent un risque pour les activités françaises d'extraction de l'uranium au Niger, qui est le 4e producteur mondial d'uranium. Vous voyez sur la carte les mines qui se trouvent au nord du Niger, près d'Arlit, dans l'une des zones uranifères les plus importantes du monde. Détenues par Areva, ces deux mines sont situées à quelques 200 km de la Drar des Iforas. Rappelons que le Niger fournit environ 30% des approvisionnements en uranium des centrales nucléaires françaises. Donc en intervenant au Nord Mali, Paris cherche aussi à sécuriser son approvisionnement en uranium. Alors où en est-on aujourd'hui? À Bamako, les élections présidentielles de 2013 ont porté au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Dans le Nord Mali, il y a eu rivalité et scission entre les divers groupes armés à tendance islamiste. Et puis troisièmement, des négociations de paix ont commencé à Alger en septembre 2014. Le gouvernement de Bamako n'est plus en position de force face au mouvement politico-militaire du Nord Mali depuis la déroute de l'armée malienne en mai 2014. Alors ces négociations d'Alger sont lentes et difficiles. Les groupes armés veulent que le nom même de Azawad soit reconnu et figure dans les accords, ce que le gouvernement de Bamako refuse, tandis que le gouvernement malien, de son côté, prône la décentralisation du pays, alors que les groupes armés veulent l'instauration d'un État fédéral. Aujourd'hui, le Mali vit sous perfusion économique. La médiation internationale, censée faire des propositions acceptables par les diverses parties, peine à être tout à fait inventive. Alors, c'est très difficile de trop simplifier une question humaine et politique aussi complexe. Mais si on veut la restauration de l'autorité de l'État malien, il faut vaincre les djihadistes. Et si on veut vaincre les djihadistes, il faut redonner confiance au peuple Touareg. Alors, un ouvrage de fond sur cette région, Touareg apprivoiser le désert, d'Hélène Clodo-Awad aux éditions Gallimard. Et puis un ouvrage plus d'actualité, La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, dirigé par Michel Galli aux éditions La Découverte. Depuis plus d'un an, le média a publié de nombreuses enquêtes au long cours. Le scandale du sang contaminé, le flop du grand débat, ou encore BFM TV, championne de l'évasion fiscale. Ces enquêtes demandent du temps et donc de l'argent. Sans vous, sans votre aide, on ne pourra pas continuer. Merci de nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr. Je le dis, je le redis, je le dirai systématiquement, notre objectif, c'est que la transparence la plus absolue, la plus totale, soit donnée aux causes et aux conséquences de cet incendie. On s'est senti abandonné, littéralement, et je trouve que venir un mois après, c'est très difficile, et je suis pas sûre que ça nous soulage. Transparence et dialogue, c'est ce qui prévaudra pour les semaines et les mois qui viennent. Donc en fait, entre 2017 et 2018, on peut dire qu'il y a eu 650 millions d'euros qui sont montés de la holding française vers la société au Luxembourg. Ce 25 octobre, à la préfecture de Rouen, une petite troupe de journalistes s'est agglutinée. Tous attendent la venue du Premier ministre, Édouard Philippe. Un mois après l'incendie de Lubrizol, plusieurs questions restent en suspens. Notamment, le montant que l'entreprise est prête à payer pour indemniser les victimes. Le Premier ministre, lui, est venu s'assurer de la signature des conventions d'indemnisation entre les représentants de l'entreprise et les agriculteurs. Mais quand on demande combien d'argent Lubrizol est prête à verser, le Premier ministre botte en touche. Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la limite maximum, c'est le fait que chaque personne puisse être indemnisée. Pour le moment, seul le dédommagement des agriculteurs a peu près été déterminé. On parle alors de 50 millions d'euros. Mais il reste les commerçants et les collectivités dont le préjudice exact reste à chiffrer. Et du côté du Premier ministre, on continue de promettre la transparence. Je le dis, je le redis, je le dirai systématiquement, notre objectif, c'est que la transparence la plus absolue, la plus totale, soit donnée aux causes et aux conséquences de cet incendie. Mais du côté de la population rouennaise, c'est un autre son de cloche. Les questions demeurent et j'espère que la mobilisation va continuer parce que toute la transparence n'est pas encore acquise. Une semaine plus tard, le président Emmanuel Macron, en visite à Rouen, fait face lui aussi à la colère d'une partie de la population rouennaise. J'ai été très, très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonné, littéralement. Et je trouve que venir un mois après, c'est très difficile et je ne suis pas sûre que ça nous soulage. C'est injuste de dire abandonné, parce que quand je regarde les choses... C'est pas le président de la République. Ce serait un mensonge si j'étais venu tout de suite. C'est pas vous, hein. Non. Mais votre gouvernement. Mais je regarde le gouvernement. Le résultat de votre politique. Les services. Personne n'est venu. C'est pas vrai. Ne dites pas ça. Mais le président ne laisse filtrer aucune information, tout en continuant de prôner la fameuse transparence dont le gouvernement a le secret. Transparence et dialogue, c'est ce qui prévaudra pour les semaines et les mois qui viennent. Et Lubrizol dans tout ça. Pour le moment. L'entreprise ne donne pas plus d'informations précises que le gouvernement. C'est alors que nous apprenons qu'à Rouen, une conférence exceptionnelle du PDG Monde, Éric Schnour, et du PDG France, Frédéric Henry, doit être organisée. Nous faisons alors une demande d'accréditation qui est refusée. Nous décidons tout de même de nous rendre sur place afin de comprendre pourquoi on nous refuse l'accès à la conférence. Mais rapidement, nous comprenons que nous ne sommes pas les bienvenus. S'il vous plaît. Vous rentrerez à part. Selon une liste que nous avons pu consulter, seulement 4 médias ont été accrédités à la conférence de presse. France 3 Normandie, France Bleu Normandie, Ouest France et l'AFP. Pour les autres, comme pour nous, c'est non. On décide alors de retenter notre chance avec la responsable de la communication de Lubrizol. Après 10 appels, nous recevons un simple texto en guise de réponse. Ça dit « Bonjour monsieur, j'ai répondu à votre mail. Je suis désolé, mais vous ne pourrez pas venir, car l'accès est limité bien à vous. » Puis finalement... Emmanuel Madox. Oui, bonjour. C'est Yanis Mamdi du... Oui, c'est Yanis Mamdi du oui, Média. Oui, je sais. Oui, je vous ai répondu, monsieur. Je suis désolé. Hein. Mais vous dites que l'accès est limité. J'ai vu la liste. Il y a seulement 4 médias accrédités. Il y a sûrement de la place pour un média de plus. Mais écoutez, moi j'ai pas. Moi la consigne c'est que on s'arrête là maintenant. Mais pourquoi? C'est quand même la conférence de presse du PDG Monde qui va répondre aux questions quant à l'incident de Lubrizol. C'est assez important quand même. Oui, non, j'entends bien. Mais nous, notre choix était de ne pas faire une conférence de presse énorme avec tous les journalistes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de m'appeler aussi pour la même chose que vous. Donc je suis vraiment désolée, mais on en reste là. Mais vous convenez bien qu'il y a un problème si plusieurs médias vous appellent pour la même raison. Oui, mais c'est notre choix de faire ça, s'il vous plaît. Voilà, je dois raccrocher parce que je dois répondre aussi à tous les messages. Blablabla. Bon, Lubrizol, c'est raté. Mais pourquoi une telle opacité de la part de l'entreprise? Que cache-t-elle? Au Média, on a alors décidé d'examiner les comptes de l'entreprise de lubrifiant. Pour cela, on a fait appel à Maxime Renaï, ancien informateur de la DGSE, devenu notre super enquêteur fiscal. Tout d'abord, pour comprendre la structure du groupe Lubrizol, il faut la cartographier, c'est-à-dire comprendre le lien entre chaque société du groupe. En résumé, qui détient quoi? Alors dans les documents, on apprend que la société Lubrizol France, qui détient l'usine de Rouen qui a explosé, donc est détenue par plusieurs sociétés, donc des poupées gigognes. Tout d'abord, une autre société en France qui est une holding, elle-même détenue par deux autres sociétés au Luxembourg, donc qui est un paradis fiscal. Ces deux sociétés sont détenues par trois autres sociétés au Gibraltar, qui est lui-même le Gibraltar un paradis fiscal. Ensuite, détenue également par une autre société qui est basée au Delaware. Et cette société de l'AR reverse l'argent vers le fonds d'investissement de Warren Buffett, donc la société d'investissement s'appelle Berkshire Hathaway. Le milliardaire américain Warren Buffett, troisième fortune mondiale, qui expliquait à la télé américaine il y a quelques mois que les riches ne payaient pas assez d'impôts. You can cut spending, you can raise taxes, but I would say that the wealthy are definitely undertaxed relative. To the general population. Et pour faire remonter des millions d'euros vers les paradis fiscaux, Lubrizol met en place plusieurs systèmes. Alors on est sur un montant 2017 de 440 millions d'euros de dividendes qui remontent de la holding française vers le Luxembourg. Et en parallèle, donc il y a un prêt qui existe entre la holding française et Luxembourg depuis 2016 de 617 millions d'euros. Et en 2018, il y a 200 millions d'euros qui ont été remboursés de ce prêt avec un intérêt de 12 millions d'euros. Donc en fait, entre 2017 et 2018, on peut dire qu'il y a eu 650 millions d'euros qui sont montés de la holding française vers la société au Luxembourg. Donc on peut dire aisément qu'il n'y aura pas de problème pour Lubrizol d'indemniser les gens de Rouen. Un système mis en place partout en Europe et qui devrait permettre au siège américain de récupérer au minimum 3 milliards de dollars d'ici 2025. Ces manœuvres ont valu à Lubrizol Holdings France d'être épinglé par le fisc. En 2018, les agents de Bercy ont estimé que le taux d'intérêt des prêts contractés par Lubrizol Holdings France était beaucoup trop élevé. Résultat, une amende de plus d'1 million d'euros. Une broutille pour l'entreprise. Bon, puisque le gouvernement met en avant la transparence... Transparence et dialogue, c'est ce qui prévaudra pour les semaines et les mois qui viennent. Notre objectif, c'est que la transparence la plus absolue, la plus totale, soit donnée. On a décidé de voir si Édouard Philippe était au courant de la façon dont Lubrizol fait échapper des millions d'euros au fisc français. Excusez-moi, vous parlez indemnisation et transparence. On a découvert que Lubrizol échappe en partie à l'impôt en envoyant chaque année des centaines de millions d'euros au Luxembourg et à Gibraltar. Étiez-vous au courant et avez-vous une réaction? Mais ça n'a rien à voir avec la question de l'indemnisation. Ce qui compte ici, c'est l'indemnisation. Le respect des règles fiscales, il est impératif. Il ne vous a pas échappé qu'hier, Gérald Darmanin avait fait des annonces s'agissant de la lutte contre la fraude fiscale. Nous sommes extrêmement fermes là-dessus. Mais ce sujet n'a rien à voir avec... Mais vous étiez au courant ou pas? Ce sujet n'a rien à voir avec l'indemnisation. Et nous serons extrêmement fermes et vigilants. Je l'ai dit aux représentants de Lubrizol qui sont présents, y compris au président mondial de Lubrizol, que nous serons extrêmement vigilants à ce que l'indemnisation soit complète, à ce qu'elle soit rapide et à ce qu'elle soit à la hauteur des attentes légitimes des acteurs. Un président mondial de Lubrizol qui exclut la quasi-totalité de la presse nationale de ses conférences de presse et un gouvernement qui ne laisse filtrer aucune information. Pratiquement 2 mois après l'incident, il est toujours impossible de savoir combien Lubrizol va accepter de verser aux victimes. Et si l'incendie aura des conséquences sur la santé des habitants de Rouen? Pour Lubrizol, comme pour le gouvernement, le maître mot de cette gestion de crise, c'est décidément l'opacité.